De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Nous allons aborder un sujet qui touche de plus en plus de gens avec le nombre croissant de personnes âgées. Il s'agit d'une maladie de l'œil qui ne se guérit pas, mais dont on peut ralentir la progression avec des traitements. Mais voilà qu'une découverte récente pourrait donner de l'espoir aux personnes atteintes. Pour nous en parler, j'ai à mes côtés Moustapha. Alors, bonjour Moustapha. Salut François. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler de DMLA. En fait, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et c'est une maladie dégénérative de la rétine qui a une évolution chronique et puis qui débute après l'âge de 50 ans. Et selon l'OMS, c'est la première cause de cécité chez les plus de 55 ans dans les pays riches. Et il faut dire aussi donc, que de ce fait, c'est un marché potentiellement très intéressant pour des gens qui fabriquent des médicaments. Mais on parle de cécité, mais ce n'est pas une cécité complète. Hein. C'est vraiment une cécité au centre, je pense, de la vision, hein, c'est ça. Ça commence avec une cécité centrale, c'est ça. Mais si elle n'est pas traitée, ça peut mener justement à une perte de la vision. Complète, okay. Oui. D'accord. Donc, c'est une maladie qui touche sélectivement, comme on a dit, la région maculaire, c'est-à-dire la zone centrale de la rétine, et ça entraîne alors une perte progressive de la vision. Et au début, elle va laisser la vision périphérique ou latérale intacte. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'à une certaine époque, j'avais remarqué qu'il y avait certains spots publicitaires qui étaient financés par une pharmaceutique suisse, qui commençant par un N, pour ne pas la nommer et leur faire un peu de pub. Donc, ces spots ont déjà été diffusés dans certains pays pour sensibiliser à cette maladie et encourager les gens à faire le diagnostic. Généralement, le diagnostic est assez simple. On peut détecter les changements précoces dus à la DMLA à la maison, chez soi, à l'aide d'une grille qu'on appelle la grille Damsler. Les patients devraient essayer un œil à la fois en couvrant l'autre œil et en regardant la grille. Si les lignes de la grille semblent floues, déformées ou manquantes, l'essai est anormal et puis là, les résultats devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi par un optométriste ou un ophtalmologiste. Il faut dire que si l'âge représente le facteur de risque le plus important dans l'évolution de la DMLA, l'hérédité, les yeux bleus, la pression artérielle élevée ou encore les maladies cardiovasculaires ou le tabagisme sont aussi reconnus comme des facteurs de risque. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut se procurer la grille Damsler? Est-ce que c'est disponible sur Internet, ça? Oui. Ah oui, c'est moi, vrai? Je, on pourrait l'imprimer. Puis, pour faire cette chronique, j'ai été voir à quoi ça ressemblait et puis on peut la télécharger ou l'imprimer. OK. Et les gens qui ont des problèmes, on les encourage à l'imprimer toutes les semaines pour faire son test et puis marquer sur la grille directement les endroits qui sont déformés pour voir justement l'évolution de la maladie. OK. Mais normalement, encourager le diagnostic, c'est une bonne chose, non? Oui, sauf que qu'il faut préciser quand l'injection du Lucentis, le seul médicament présent sur le marché pour traiter la DMLA, coûte 1575 $ l'injection. Et qu'en moyenne, il faut une injection par mois, on peut se poser des questions sur la motivation première de la compagnie qui encourageait justement les gens à faire ce diagnostic. D'ailleurs, sous le mandat de l'ancien ministre de la Santé, en 2012, Yves Bolduc est actuel ministre de l'Éducation, il y avait déjà un petit cafouillage, on va dire, sur la gratuité des frais accessoires liés à l'administration du Lucentis. Oui, je me souviens, oui. Et puis le ministre, il s'est rétracté de cet engagement de remboursement des frais accessoires avant de revenir pour dire qu'il y avait justement des frais qui étaient excessifs et qu'il y avait matière à rétablir la situation. D'ailleurs, depuis et après un recours général, une entente s'est trouvée où l'État doit débourser pas moins de 6 millions de dollars pour corriger le tir. Et on peut dire au passage que les médecins qui faisaient justement des dépassements, eux n'ont pas écopé de sanctions. Ok. Donc, il y a eu aussi une enquête qui a été diligentée sur la possibilité de remplacement du Lucentis par l'Avastin, qui est 30 fois moins cher. Mais aussi efficace ou Oui. OK. C'est déjà donné pour traiter la DMLA, même si ce n'est pas officiellement fait pour la DMLA. OK. Donc, pour un peu réduire les frais des patients ou de la régie de l'assurance maladie. Et en gros, il faut savoir que par œil, pour un traitement d'un an, il en coûte 18 900 $ si on prend le Lucentis, contre 600 $ pour l'Avastin. Mais il faut croire que là aussi, le lobby pharmaceutique était bien plus convaincant. En fait, ça ressemble un petit peu aussi aux médicaments contre le VIH là, qui sont extrêmement dispendieux. Je me souviens que j'avais déjà fait une chronique là-dessus puis qui disait qu'un chercheur avait dit que s'il était vendu 50 fois moins cher, il ferait encore du profit. Okay. Donc, il y a peut-être un petit peu d'abus, effectivement. Oui. Et il faut dire aussi que la problématique n'est pas propre au Québec ou au Canada. Déjà en France, le même débat a été soulevé. La ministre de la Santé et des Affaires sociales, Marisol Touraine, avait souhaité en avril dernier que le traitement le moins coûteux puisse être utilisé en France. Par contre, si cette démarche n'a pas abouti, des négociations menées depuis 2012 à sa demande avec le laboratoire en question, via le comité économique des produits de santé, ont néanmoins permis des baisses du prix du Lucentis. Par contre, un fait intéressant, en Italie, là où l'autorité de la concurrence italienne a infligé une amende de 182 millions d'euros, soit l'équivalent de 260 millions de dollars canadiens. C'était en mars dernier. Et cette amende a été infligée aux deux laboratoires qui commercialisent l'Avastin et le Lucentis pour accord illicite. Une sorte de collusion, quoi. Ouais, c'est ça. Uh-huh. On peut comparer ça à un délit d'initié, par exemple. Ouais. Donc, le tribunal, il leur reprochait de s'être entendu pour cultiver les différences artificielles entre les deux médicaments et de promouvoir la dangerosité de l'Avastin, qui est justement le substitut le moins cher. Alors, peut-on dire que cette maladie est curable? Pour répondre à la question, il faut distinguer d'abord entre les deux formes de la DMLA. Il existe deux formes. Okay. C'est ça. Il y a la DMLA humide et sèche. Il faut savoir que 9 personnes sur 10 qui ont la DMLA, en général, ils ont la forme sèche. Cette forme, elle se développe sur une longue période, on peut parler en termes d'années. Et puis, en général, un régime vitaminique peut ralentir la progression de la maladie, mais cela n'empêche qu'il n'y a pas vraiment de traitement pour cette forme. Mm-hmm. Par contre, la forme dite humide, qui est moins fréquente donc, et puis qui est due en fait à cause d'une croissance anormale des vaisseaux sanguins, sous la rétine, elle ne peut pas être traitée à 100%, mais elle peut être stoppée ou ralentie si elle est prise en charge assez vite, justement par l'injection du Lucentis, qui va, en fait, lui, il va ralentir ou inhiber la progression des vaisseaux sanguins. Ah, ok, c'est comme ça que ça se traite, en fait. C'est ça. Ouais. D'où l'intérêt de se faire diagnostiquer le plus tôt possible. Mais un nouvel espoir existe. Ok, justement. Alors lequel? Est-ce que tu veux nous en parler, Moustapha? En fait, c'est arrivé la semaine dernière, vendredi dernier plus exactement, où a eu lieu le premier essai clinique avec des cellules souches induites, ce qu'on appelle les IPS. Ça a eu lieu au Japon et c'était fait pour traiter une femme âgée de 70 ans qui était atteinte de DMLA. On ne sait pas de quelle forme, par exemple. Non, c'était pas précisé. D'accord. Mais, alors, c'est quoi ces cellules dont tu viens de parler? De quoi est-ce qu'il s'agit au juste? On peut dire que les IPS, en fait, c'est... En fait, IPS, c'est pour cellules souches pluripotentes induites, sont une version améliorée des cellules souches classiques. Okay. Les avantages majeurs se situent en deux points. En fait, tout d'abord, parce qu'il n'y a plus de problème éthique quant à l'usage des cellules souches. On ne touche plus aux embryons, c'est ça. Et puis, le deuxième point favorable, c'est que le risque de rejet est très minimisé ou aboli carrément, dans la mesure où les cellules proviennent de la même personne à qui on va donner ces cellules. En fait, le malade est donneur et receveur en même temps. C'est ça, donc c'est difficile qu'il y ait un rejet dans ce temps-là. Hein. Non. Ça semble être de prime abord là, une idée prometteuse, mais comment ça fonctionne au fait? En fait, dans le cas de cette première au Japon, des cellules saines sont prélevées de la peau de la malade. Elles sont cultivées dans un milieu liquide qui va les déprogrammer. C'est-à-dire que les cellules sont ramenées à un état quasi embryonnaire ou précoce. C'est comme si les cellules revenaient à leur état initial. On peut comparer ça à un voyage dans le passé. Donc, techniquement, sans rentrer dans le détail, ceci est possible grâce à l'expression de 4 gènes normalement inactifs dans une cellule adulte. Et c'est la composition du milieu qui va faire induire l'expression de ces gènes. Une fois les cellules réinitialisées, on peut les cultiver de façon à en faire ce qu'on veut, à former des cellules spécifiques de la rétine, par exemple. Ici, ça a été réinitialisé, et puis on les a différenciées ou on a induit leur différenciation en cellules qui étaient déjà en dégénérescence chez les malades atteints de DMLA. Alors, ça paraît comme un travail colossal, puis une avancée considérable aussi. Oui, et ça l'est. C'est que ça a valu, par exemple, aux deux chercheurs qui ont mis au point la technique des IPS, un Japonais, Shinya Yamanaka, et un Anglais, John Gordon, le prix Nobel en médecine en 2012, qui n'est pas rien. Et les travaux sur les cellules IPS sont devenus une priorité de recherche au Japon, où l'État a décidé carrément de leur allouer des financements très importants, considérant qu'il s'agit là d'un domaine extrêmement prometteur et dans lequel ils veulent que les Nippons doivent prendre une longueur d'avance. Et c'est ce qui se confirme en quelque sorte aujourd'hui. OK. Et rapidement, est-ce que l'opération a réussi? Il semblerait que oui. L'opération a été menée par 3 spécialistes de la vision qui ont transplanté un petit carré cellulaire qui fait 1,3 mm sur 3 mm, composé de cellules rétiniennes, donc qui à la base étaient des cellules de peau. Et de toute façon, comme ça a été précisé dans le communiqué de Nature, des essais ont déjà été faits au préalable chez des singes ou des souris, et on n'a constaté aucun rejet ni croissance de tumeur. Alors c'est beau ce point de vue, mais est-ce que le patient traité a recurvé la vue avec ses cellules souches rapidement? Ben pour l'instant, il faut attendre de voir comment la patiente va se remettre de son opération et si la maladie est freinée. A priori, les quelques mois à venir devraient nous dire si elle a retrouvé partiellement ou complètement la vue. Si c'est le cas, un pas considérable sera franchi, et pour plusieurs personnes atteintes de maladies dégénératives telles que le Parkinson ou l'Alzheimer, il y a déjà un espoir de guérison qui sera relancé. Oui, effectivement. Alors, ça donne de l'espoir pour qu'un traitement par cellules souches sera éventuellement développé également pour ces maladies dégénératives. Oui. Alors, on va suivre ce dossier. Alors, merci beaucoup pour ces explications, Moustapha. Alors, restez avec nous. On passe au mot de la fin.